Hey, I can't find nothing on the radio. Restez chez vous. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait ? Je crois que j'ai remis la radio. La mécanique des ondes. Confinée. Bienvenue dans une nouvelle mécanique confinée, un podcast de la mécanique des ondes fait chez soi pour parler radio-travail et d'émissions faites à la maison. Et ce confinement, bah, il nous aura permis d'avoir le temps. Le temps pour soi et pour créer des choses. Et alors quand on a la radio dans le sang, forcément, eh ben, on peut parfois créer des choses pour accompagner ceux qui sont chez soi avec, bien sûr, la radio. On a un bon exemple avec Stay at Home Radio. J'allais dire en anglais, radio. Stay at home radio. Voilà, tout est dans le titre. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui son créateur depuis Toulouse, Julien Vigier. Bonjour. Bonjour, bonjour la mécanique des ondes. On peut le faire comme ça en anglais, stay at home radio. Ou on peut tout simplement dire stay at home puisque... C'est un peu plus qu'une radio, on va en parler un peu plus longuement. Juste avant, juste pour te présenter brièvement, parce que nos auditeurs ne te connaissent pas forcément, donc tu es un animateur radio, tu as travaillé au sein de plusieurs radios locales et régionales, il y a eu Chérie FM Rodez notamment, 8FM, il y a eu Totem aussi. Ouais, alors j'ai fait un peu tous les métiers de la radio en définitive, sauf l'aspect vraiment technique. J'ai démarré effectivement à Rodez, à Chérie FM, et puis Totem, et puis aussi le groupe qu'on appelait Start à l'époque, qui s'appelle 1981 maintenant, avec la matinale de Forum, puis 8FM, de la programmation musicale, des responsabilités à l'antenne de 8FM aussi, avec un record d'audience à la clé. Ça, c'était cool. Et puis aussi la direction d'antenne de Toulouse FM, une radio à Toulouse, pendant un an. Là aussi avec un record d'audience à la clé. Merci à toute l'équipe d'ailleurs d'avoir cartonné avec moi. Et donc voilà, aujourd'hui je fais plus de radio FM à proprement parler, même s'il m'arrive de voice tracker un petit peu à droite à gauche. Mais maintenant je vends des radios à des marques du podcast de communication interne. Voilà, donc c'est plus B2B comme on dit. Voilà, et c'est via une société qui s'appelle VO2X, hein. VO2X. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, Julien, pour commencer, la question habituelle que je pose tout le temps dans ce podcast, comment ça va ? Alors, moi, ça va très bien. J'ai passé un bon confinement, j'ai été occupé, comme je n'aurais pas pensé qu'on puisse être occupé en confinement. Donc, c'est une très bonne chose. Et puis, en plus de ça, je suis confiné avec ma femme qui attend un enfant de moi, alors c'est parfait. Ah, félicitations ! Merci ! Alors... Le confinement avait été annoncé le 16 mars dernier. À ce moment-là, ce jour-là, est-ce que tu savais que tu allais te retrouver avec tout ton matériel chez toi, à la maison ? Je pense que oui, puisque, comme tu le dis, tu fais du B2B. Alors, j'ai du matos, bien sûr, à la maison. C'est dans la partie buanderie de l'appartement, pour une question d'acoustique, comme nos chers amateurs de radio peuvent l'imaginer. Donc moi, j'ai tout ce qu'il faut à la maison. Et en fait, j'ai pas attendu le 16 en définitive. Parce que le 16, c'était un lundi de mémoire. Simplement, moi, je suis rentré du ski le 14, le samedi. Et le 15, je me suis dit, je vais lancer Stay at Home. Parce que en fait, je savais qu'on allait être confiné. Enfin, disons que tout le monde le savait. Hein. Voilà, c'était un secret de Polichinelle. Emmanuel Macron allait parler le 16 pour annoncer ça. Donc, si tu veux, je me suis dit, dès le 15, dès le dimanche, hop, on récupère sur Radio King... un projet d'une radio qui n'avait pas abouti, mais du coup qui avait une bonne base musicale, qui permettait tout de suite de mettre quelque chose on air. Il suffisait juste de faire un jingle, et le jingle, je l'ai fait avec ma compagne, justement, on s'est bien marré le dimanche soir, à faire « Stay at home radio ». Voilà. En tout cas, ça l'a beaucoup amusé. Et donc, c'était on air le 15 en définitive. Et juste par curiosité, le jingle, ça a été composé en combien de temps à peu près ? Tu veux l'écouter le jingle ? Allez. Allez, on y va. Stay at home radio. Stay at home. La radio pour ceux qui restent chez eux. Alors. Ça s'entend que vous êtes bien marré. Ouais, ça. Bon, on en a fait un seul, parce que ça suffit en définitive. et ça nous a pris, le temps de l'enregistrer, puis après de faire le montage en une heure, c'était fait. Moi, je vais assez rapidement, même si je fais des trucs très basiques. Attention, je suis pas producteur, mais ça va. Fais ça sur Audacity, hein, pour info, ça fonctionne très bien. Et voilà, et ça va changer, bien sûr. Il va y avoir un nouveau jingle pour le déconfinement, parce que, bien sûr, ça sera plus la radio pour ceux qui restent chez eux. Mmh, ouais. J'ai pas encore le nouveau claim, donc je peux pas te le donner. Non, on va en parler peut-être d'ici okay. la fin de ce podcast. Mais moi, pour commencer avec le commencement, donc Stay at Home Radio, voilà, à l'anglaise, hein, le jingle nous l'a prouvé. Tout d'abord, cette idée, pourquoi et comment c'est venu ? Alors, c'est venu de Twitter, en fait, surtout, parce que je voyais le hashtag Stay at Home. Je le voyais partout et en fait, en réalité, je trouve que c'était une belle marque. Enfin, ça sonne bien, Stay at Home. Donc du coup, moi, je me suis dit, on va faire Stay at Home Radio, ou plutôt Stay at Home Radio, comme tu dis. c'est ça. Voilà, en fait, c'est venu de là. Je me suis dit, bon, dans cette radio, qu'est-ce qu'on va y mettre ? J'imaginais beaucoup de podcasts sur le confinement. Je me suis dit, ça y est, tout le monde va se lancer là-dedans. Donc, je me suis dit très vite, moi, je vais faire une radio. Enfin, je vais faire une radio. Elle était quasiment prête, hein, déjà. Il va y avoir de la musique et je vais récupérer, en fait, les podcasts de confinement et je vais les diffuser. Une sorte de pure player, si tu veux. On écoute toute la journée, on tombe sur de la musique et sur des contenus audio qui ont rapport avec le confinement. Donc, rapidement, j'ai balancé 2-3 trucs sur Facebook et j'ai eu des podcasts, notamment le très très bon En Charentaine d'Isabelle qui est de Paris et qui a depuis été repéré par Télérama, par Slate. Enfin, En Charentaine, c'est un podcast elle et son chat et c'est hilarant. Voilà, donc j'ai eu pas mal de contenu. J'en avais aussi via VO2X déjà, des interviews et tout. Bref, très vite, en fait, la radio, si tu veux, elle avait une bonne quinzaine de contenus plus de la musique. Et rapidement, il y a d'autres personnes qui sont venues nourrir ça. Je pense au podcast de Jenny qui est à Virgin Radio Bordeaux et qui, confinée, s'est lancée dans un podcast qui s'appelle En tête à lettres où elle parle de l'amour qu'elle a pour les sportives et les sportifs. Plein de podcasts, en fait, qu'on me cède, en définitive. C'est-à-dire que moi, je contacte l'auteur, le créateur du podcast, et je lui demande, est-ce que c'est OK pour toi de me filer le MP3 et je le diffuse sur Stay at Home Radio? Et généralement, ils disent oui. Voilà. Alors, des podcasts, de la musique également, mais il n'y a pas de contenu de production exclusif à Stay at Home Radio, non ? C'est vraiment... Si. Justement. Alors, on y vient. Donc ça a duré, on va dire, 15 jours, 3 semaines, le temps d'engranger pas mal de podcasts, le temps de faire un peu de communication autour. Il y a eu des articles un peu dans la presse et tout, c'était bien cool. Enfin, dans la presse ici à Toulouse. J'ai été flatté parce qu'on m'a appelé le jeune Toulousain à 37 ans, c'est cool. je l'ai vu l'article. Ah, tu l'as vu, on a tous beaucoup ri, bien sûr. Moi le premier. Néanmoins, c'était bien sympa de la part de la Dépêche de parler de ça. De temps en temps, je prenais le micro en direct aussi pour voilà raconter un peu la vie du confinement. C'était la période vraiment du tout début du confinement. Par exemple, je disais bon bah voilà, j'ai été faire un footing, j'ai été étonné, il y a du monde dehors. Enfin, bref, tu vois, je racontais un peu quand même sur certains directs. Et puis très vite, je me suis dit qu'il fallait passer à autre chose. Et donc, j'ai commencé à faire des interviews. Donc, depuis ici, si tu veux, ouais. Où j'ai téléphoné aux personnes qui sont de près ou de loin touchées par la crise de confinement et la crise sanitaire dans le milieu social et économique. Donc, ça peut être, par exemple, un responsable d'agence d'intérim. Je l'ai appelé et on a parlé boulot en confinement. Ça peut être un manager, une agence de communication. Bah, du coup, qu'est-ce qu'elle fait ? Ça a été jusqu'à des hommes et des femmes politiques, puisque ici à Toulouse, par exemple, j'ai pu avoir Laurence Arribagé, adjointe au sport, pour parler du déconfinement et du sport. Voilà. Donc, on est vraiment parti. J'ai appelé le patron des speakers, tu sais, les speakers de France qui se retrouvent à l'arrêt. Donc, et petit à petit, donc des interviews qui sont aujourd'hui au nombre de plus d'une vingtaine. Ces interviews-là qui sont des contenus vraiment exclusifs, ils viennent nourrir la radio et évidemment ils sont en podcast donc sur Ocha et forcément donc sur toutes les plateformes, ce qui permet aujourd'hui de faire de Stay at Home un média en définitive, c'est-à-dire que c'est une radio qui diffuse 24/24 et il y a une partie podcast aussi où on met en avant des contenus et notamment des interviews. Oui, avec ce genre d'interview que tu fais, du coup, oui, Stay at Home apporte aussi un rôle utile aussi en donnant la parole à ces personnes. Ouais. Alors, en fait, il y a plusieurs rôles. Déjà, en fait, moi, je suis curieux de nature, donc je suis très très satisfait quand j'appelle quelqu'un, que je passe du temps à préparer l'interview avec un restaurateur, un chef à domicile, avec un groupe de musique comme les Goguettes que j'ai pu avoir au téléphone parce qu'ils ont fait de la musique spéciale confinement. Oui, ils ont fait le buzz. Oui. C'est ça, c'est eux qui reprenaient Jacques Brel notamment. Donc, si tu veux, ça me permet, moi, de faire un travail journalistique et c'est bon pour le moral. Voilà, tu vois, c'est bien pour le cerveau, ça occupe beaucoup, c'est cool. Ensuite, c'est des bons moments généralement en interview. Et puis, pour la personne qui a été interviewée, ça lui fait une médiatisation parce qu'elle, elle peut récupérer le podcast et le diffuser sur ses propres contenus, bien sûr. Et ça permet souvent quand même à ces personnes-là, bon, on est sur un temps long, généralement 10, 15, 20 minutes. Voilà, on est sur des interviews à spectre large, j'ai envie de dire. On passe du temps. Donc, eux, ça leur permet, c'est un peu thérapeutique aussi, ça leur permet de raconter. Ils sont pas nécessairement interviewés par les autres médias parce qu'on pense pas forcément à eux et c'est normal, oui. On peut pas penser à tout le monde. Voilà, franchement, ce sont des très bonnes expériences à chaque fois. Ça me fait rencontrer du monde. J'ai rencontré, les podcasts, enfin, rencontré par distance, bien sûr. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. J'ai rencontré les podcasteurs, on s'échange des messages, et puis les personnes que j'ai eues en interview, du coup aussi pareil, je les ai rencontrées par l'intermédiaire de ces interviews, et sans doute pour la plupart, celles qui sont du moins à Toulouse, je les reverrai assez vite, et pour les autres qui sont partout en France, on pourra peut-être organiser ça plus tard. Oui, ce n'est que partie remise. Alors, du coup, je ne pense pas qu'il y ait une grille de programme, non. En tout cas, moi, quand j'ai essayé de me connecter au flux de Stay at Home, c'est un peu comme une pochette surprise, en fait, on ne sait pas trop sur quoi on va tomber. Ouais, alors, il y a aucune lisibilité, hein, que les choses soient claires. C'est vraiment un flux avec de la musique, de l'habillage et des contenus, donc les podcasts et les interviews. Et tout ça, c'est généré tous les jours de manière complètement aléatoire par Radio King. Voilà. Donc, parce que l'idée de la radio, c'était de la lancer, de la faire, d'avoir un support pour m'occuper, moi, pour le confinement, et puis je savais pas encore que ça allait prendre cette ampleur au niveau des interviews, mais très clairement, je savais bien que ça allait pas non plus être écouté, et d'ailleurs, il y a assez peu d'écoute, on va pas se voiler la face, parce que y a beaucoup d'écrans, que Netflix c'est quand même pas mal, et que les radios, aujourd'hui, en confinement, proposent des trucs vachement mieux que ce que je fais moi. Voilà, donc j'ai pas, tu sais, fait des flashs à heure fixe et ainsi de suite parce que c'est trop chronophage pour le peu d'audience. L'idée, c'est de lancer un flux, lancer un programme et de pouvoir s'appuyer dessus pour pouvoir faire des émissions, des interviews et pourquoi pas peut-être après le déconfinement sortir et faire une émission live en public, voilà, ce genre de truc. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu apportes quelque chose de différent par rapport à l'offre existante. En fait, le truc qui est très différent, c'est que beaucoup de gens se sont lancés dans le podcast en confinement et c'est normal, surtout ceux qui sont dans l'audio, qui sont passionnés par ça. Oui. Mais à ma connaissance, il y a aucun endroit qui les diffuse de manière continue, 24/24, entrecoupé de musique. Voilà, ça existe pas. Oui. Ça me rappelle juste. À ma connaissance, du moins. Hein. Oui, ça me fait penser justement là d'un coup. Alors c'est en Angleterre, je crois, où ça a été lancé il y a quelques mois, une radio qui est 100% podcast, qui diffuse que des podcasts. Oui, alors je te cache pas que j'avais déjà entendu ça et je m'étais dit c'est pas con du tout. Même si en définitive ça devient une radio, tu vois. Bah, c'est ça, oui. Du contenu. c'est exactement la même chose, mais c'est drôle comment le mot podcast. Se substitue au mot contenu. Bref, donc ouais, il y avait cette radio et je crois que c'est aussi pour ça que, enfin, j'avais dû l'avoir dans un coin de ma tête et c'est certainement ça qui m'a donné l'idée aussi. Alors du coup, faire de la radio à la maison, ton ressenti là-dessus, qu'est-ce que tu retiendrais comme point positif et négatif ? Alors déjà, ça fait du bien parce que moi, j'adore parler dans le micro, avoir le casque. Sentir le traitement de son, faire du montage, bon. Et là, si tu veux, je sentais que l'activité allait se réduire, l'activité de VO2X allait se réduire nécessairement, que le voice track que je faisais à droite à gauche allait s'arrêter, puisque les radios en confinement, comme tu peux l'imaginer, les radios B en France qui font appel à du voice track ont cessé de faire appel à des voice trackers, enfin du moins... Elles ont continué certains voice trackers, mais moi, par exemple, c'était souvent le voice track du week-end et très flux, très comblage. Bon, ça a aucun sens en confinement d'être là en disant c'était David Guetta, j'espère que vous allez bien, bon week-end. Alors que toute la semaine, t'as les animateurs en live de cette radio qui était en spécial confinement. Donc très vite, je me suis dit, j'ai su que je ferais plus de radio à proprement parler, et donc ça a fait du bien de pouvoir continuer d'en faire, et surtout de se lancer dans un projet innovant et de se torturer un peu la tête pour le visuel, l'habillage, être présent sur les différents réseaux sociaux, voilà, enfin ouais. Faire un communiqué de presse pour essayer de gratter de la médiatisation, comme c'est le cas sur la mécanique des ondes aujourd'hui. Et merci beaucoup. Je t'en prie. Et oui, et puis après, ça peut peut-être donner des nouvelles idées pour la suite une fois que tu seras dehors, je pense. Je suis pas en prison. Bah heureusement que non. Heureusement qu'on n'est pas en prison non plus. Je te rassure, on avait ici à Toulouse, on avait le droit de sortir, tu sais, pour faire une heure de sport et ainsi de suite, et on s'en est pas privé. Une fois sorti, moi, il y a une grosse part de mon activité qui est aussi l'événementiel au micro. Alors comme tu peux l'imaginer, c'est pas reparti tout de suite, ça, hein, pas encore. Je travaille pas mal avec les clubs sportifs de la région ici à Toulouse, donc bon, je vais avoir encore du temps pour continuer stay at home, donc du coup ça va continuer. Et bon, c'est aussi une manière de montrer que de mon côté, du côté de VO2X, on sait créer de A à Z des radios, qu'on sait les animer, qu'on sait trouver des concepts, et donc c'est une très belle radio vitrine pour ce qu'on peut mettre en place ensuite en B2B chez les professionnels. Mmh. Alors justement, est-ce qu'on peut imaginer, une fois qu'on sera sorti de là, parce que le déconfinement approche, est-ce qu'on peut imaginer que Stay at Home Radio va du coup continuer, donc tu l'as dit, sous un autre nom, sous une autre forme, enfin... La radio continue tant que... Je me suis fixé ça comme cap. D'ailleurs, tu vas me dire si tu trouves ça malin ou pas, mais je me suis dit, la radio va continuer tant que l'épidémie et le virus sera au cœur de notre vie. Et donc, en définitive, j'espère que ça va bientôt s'arrêter, en définitive, Stay at Home Radio. J'ai envie donc de continuer ça pour traiter maintenant du déconfinement. Et je le souhaite pas, peut-être du reconfinement. Enfin, voilà, je pense pas, je suis optimiste, ça va bien se passer. Mais voilà, il y a plein de choses à raconter sur le déconfinement, notamment parce que tout le monde ne sort pas en même temps et ainsi de suite. Et puis parce qu'il y a le retour à la vraie vie, qu'il y a l'économie qui change. Donc, il y a des choses à raconter. Et donc, je vais continuer Stay at Home avec un nouveau claim, une baseline qui va changer un petit peu. Mm-hmm. Et ensuite, Stay at Home Radio, on fera une grosse teuf pour annoncer la mort de la radio le jour où le virus sera lui aussi mort, quoi. Ouais, pas mal, bonne idée. À voir après si elle sera renommée Outside Radio, peut-être. Je lance l'idée. Non, je vais garder Stay at Home, mais c'est plus la radio pour... aujourd'hui, Stay at Home Radio, c'est la radio pour ceux qui restent chez eux. Et donc, ça sera plus ça, ça sera autre chose. Ça sera la radio de ceux qui l'ont vécu. Ouais, pourquoi pas. Je t'avoue que je bloque un peu parce que tout tourne autour du mot déconfinement et que c'est assez laid, mais peut-être que ce sera Stay at Home Radio, déconfinons ensemble, ou le déconfinement c'est maintenant. Pas mal aussi. Bah, à suivre, en tout cas. Alors, Julien, avant de nous quitter, une dernière question en dehors de la radio. Le reste du temps, chez toi, comment tu t'occupes? Est-ce que tu as un petit conseil à nous donner? Un conseil série, télé ou autre? Ouais, j'ai regardé beaucoup la télé. Je vais pas faire celui qui s'est mis à bouquiner et qui a appris une langue étrangère pendant le confinement. Ça s'est plutôt passé sur les écrans et notamment du côté série. Et ça s'est très, très bien passé pour Succession, qui est un bijou, c'est sur Netflix. Voilà, c'est une famille extrêmement riche, un peu un trust à la famille Trump, on va dire, avant qu'il soit président. Donc, il y a le papa qui est très riche, qui a monté l'empire, et ses enfants s'arrachent les miettes qui restent de cet empire qui est un peu en train de s'écrouler, même si c'est encore un mastodonte de plusieurs milliards. Ils ont tous des personnalités abjectes, ils sont très, très, comment dire, républicains, américains, donc... Il flirte un peu avec le racisme, il flirte beaucoup avec le machisme, la drogue, et ils sont très bêtes aussi. Ils ont des attitudes qui sont abjectes. Par contre, c'est délicieux à regarder. Voilà. Donc ça s'appelle Succession. C'est une série qui est sur HBO, donc sur le bouquet OCS, voilà, ou sur Internet plus généralement. Très bien. Bah, Julien Vigé, merci à toi d'avoir passé un peu de temps avec nous, d'avoir présenté ton projet, qui continue donc avec le déconfinement, donc on l'aura compris, Stay at Home Radio, qui est à retrouver donc en live via Radio King. Les podcasts sont sur Ocha, et puis tous les liens sont directement accessibles. Les podcasts sont partout maintenant, ils sont même sur Magellan, figure-toi. Voilà. Je me suis inscrit, il faut envoyer un mail, c'est pas compliqué. Tu t'envoies un mail à Magellan, ils te répondent le lendemain, ils te disent merci beaucoup, c'est super ce que vous faites. Ouais. Non, je déconne pas, ils sont très sympas. Et donc on est partout sur Magellan, sur Google, partout. Et à suivre plus simplement sur les réseaux sociaux, vous avez juste à taper Stay at Home Radio, ce sera plus simple. Super, merci beaucoup en tout cas pour le coup de projecteur.